She's got balls, and she's got female trouble. Salut Ed, salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission et aujourd'hui je vais parler de Jane Conti. Salut Aurélie, salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier numéro de l'année 22 de l'émission Female Trouble sur Droogies Radio bien sûr. Pour ma part aujourd'hui je vais vous parler de femmes bassistes dans le milieu rock dans les années 70 et 80. Je pense que je pourrais l'exploiter sur plusieurs éditions. Et maintenant, place aux histoires de la mère Castoy. Salut, alors aujourd'hui je vous parle donc de Jane Conti. J'ai découvert son destin dans le dernier numéro de Punk Culture. Punk Culture, si vous ne connaissez pas encore, c'est un fanzine de très bonne qualité dont je vous conseille la lecture. Donc ici je vais vous faire une version résumée de long article qu'ils ont fait. Je les remercie pour cet article qui m'a appris plein de choses. Donc Jane, elle est née en 46 à Dallas, en Géorgie. Donc à ce moment, elle était assignée garçon et dans une famille très dure, avec un père militaire adepte des châtiments corporels, une mère religieuse extrémiste persuadée de l'imminence de la fin du monde. Très tôt, elle s'intéresse à l'art, particulièrement au dessin, la musique, l'histoire et la littérature. Ses premiers émois musicaux sont pour Chubby Checker, le vulgarisateur du twist, et Didi Sharp, chanteuse de rhythm and blues. À partir de 64, la vague des groupes britanniques la rend accro aux sonorités électriques. Elle s'installe alors à Atlanta, capitale de la Géorgie, dans le milieu des drag queens, et prend le pseudonyme de Woodrena. Cette première expérience de féminité publique n'est pas sans danger. La Géorgie possède une loi interdisant aux hommes de s'habiller en femmes, et la police et les homophobes harcèlent la communauté. Elle échappe à une tentative de viol et une tentative de meurtre par arme à feu. C'est alors qu'elle décide de quitter la ville pour New York. Malgré l'insécurité qui règne dans la vie est plus douce pour Jane, qui ne porte pas encore ce nom, car les communautés underground sont très soudées. Elle se rapproche de nombreux artistes, dont Andy Warhol, et fréquente le Stonewall Inn, le bar de Greenwich Village, qui entrera dans l'histoire en 69 pour un affrontement avec la police, dont la commémoration un an plus tard sera la première Gay Pride de l'histoire. Elle prend à cette époque le nom de Wayne Conti. Le prénom est d'origine, mais le nom est changé. Et commence une carrière dans le théâtre en tant qu'actrice, mais aussi dans l'écriture de pièces sur le thème LGBTQ, et toujours notamment avec Patti Smith. En 72, elle se lance dans la musique avec un premier groupe, Queen Elizabeth, un trio acoustique puis électrique après la découverte des New York Dolls. Le groupe n'enregistrera rien. Jane est ensuite contactée par la boîte de production de David Bowie, Madman, et cette collaboration aboutit à la création de Wayne Conti and the Trucks, un show de rock'n'roll et de revue de musical. Un album, des chansons du spectacle est prévu, mais ne verra jamais le jour car la boîte évince Jane qui commence à faire de Londres à David Bowie selon elle. Elle forme alors les Backstreet Boys en 1974, qui jouent régulièrement au CBGB. Un album est enregistré mais ne sort jamais, officiellement détruit dans un incendie, officieusement empêché par la femme du patron du label qui était homophobe selon Jane. On peut retrouver le groupe sur une compilation Max Kansas City, New York Wave avec 3 titres. On va donc écouter le nom évocateur Cream in My Jeans. Voilà, c'était les Backstreet Boys avec Cream in My Jeans. Le groupe apparaît aussi dans le film The Blank Generation en 76. La même année, ils partent en tournée avec les Sex Pistols, les Clash et les Damned pour l'Anarchy Tour. La tournée est calamiteuse, mais aboutira à l'arrivée de Jane en Angleterre en 77. La ville est alors en pleine effervescence punk. Un nouveau groupe se forme autour de Jane, The Electric Chairs, en référence à un groupe fictif apparaissant dans Orange Mécanique. Un EP 3 titres sort chez Illegal IRS, mais l'affiliation réactionnaire du label stoppe l'expérience et le groupe signe chez Safari, d'où ils sortent leur premier classique Fuck Off. On va écouter ce morceau. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. I ain't got time for yesterday's news. Don't shoot me up with your bullshit news. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. I don't like it when you play with my knees. You ain't nothing but a prick tease. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. There's a door, watch your hurry. That you're hot shit, I heard. You ain't nothing but a cold turd. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. One, two, three, four. If you ain't got time to take a walk with me on my meat rack, then you can just get the hell out of my bread line. Donc c'était The Electric Chairs avec Fuck Off. Jane joue également dans le film Jubilee, un manifeste anarcho-nihilo-sexuel sur fond punk, et le groupe case un morceau sur la bande originale. En février 78, sort le premier album éponyme, dont la pochette surprend puisque Jane y apparaît sous des traits masculins, alors qu'elle s'habille de façon féminine au quotidien, y compris sur scène. Un deuxième album sera en 78, Storm the Gates of Heaven, enregistré plus dans l'urgence, il contient moins de classiques. On va écouter le morceau « Man and Us to be a Woman » que Jane reprendra en 1994 comme le titre de son autobiographie. transsexual dealing. It's hard to be true to the one that's really you. I've got a scandalous feeling. It's hard to be true when they point and stare at you. Conditioned to portraying the mask of masculinity. Another blend of different shading. I am what I am, I don't give a damn. Riding a broom. Yeah, he took all my money. The jerk made me hurt. He looked like a baboon. X, Y, X, X, Y. Gender identity. I've got the power to be it. Voice in my head will not be dead. I wanna know. I wanna know. I wanna know. Tell me, tell me. C'était donc Man Enough to Be a Woman. En 79, sort un troisième album, Things Your Mother Never Told You, avec certains morceaux plus expérimentaux et atmosphériques. Au niveau des thèmes abordés dans les chansons de Jane, on retrouve bien évidemment le sexe, mais aussi l'anti-religion et la politique. En 79, le groupe sort un jingle sans Jane, qui a alors d'autres préoccupations puisqu'elle débute sa transition de genre avec une thérapie hormonale et le choix de son prénom, Jane. Le groupe se sépare et Jane fait son premier concert entérinant sa nouvelle vie à Toronto, qu'elle nomme Rock'n'Roll Resurrection, qui sera enregistré sur son premier album solo sorti en 80. Jane habite désormais à Berlin et renoue avec le théâtre et le cabaret et même le cinéma en 83. Lorsqu'elle se produit en concert, c'est avec des groupes faits de briques et de broc ou sur des bandes sonores. Elle doit souvent vivre l'hostilité du public rock'n'roll qui ne la comprend plus. En 84, elle est ainsi invitée à un show télévisé anglais, Around Midnight, et doit subir les attaques de la présentatrice, du public et d'un humoriste qui lui demande « Laissez-vous le siège des toilettes baissé ou relevé ?» Ce à quoi elle répond avec humour « Je ne l'ouvre même pas. Le monde est trop occupé. Qui a le temps pour ça ?» Malgré cette hostilité, Jane continue une belle carrière solo, que ce soit en matière d'albums ou de collaborations avec d'autres artistes. À partir des années 2000, elle se fait plus discrète avec des sorties de remix de plus ou moins bon goût de ses anciens titres. En 2006, elle part vivre à Atlanta, où elle vit au milieu de tous les chagrins du coin qu'elle recueille. Elle reforme un groupe en 2008, les Electric Queers, se remet à la peinture et au dessin avec des expositions très provocatrices et sort quelques titres uniquement en ligne. Son dernier projet connu est en duo avec Amber Taylor, une autre musicienne transgenre multi-instrumentiste. À ce jour, un seul single est sorti, I Don't Fit In Anywhere, donc vous pouvez le retrouver, un clip très drôle sur internet. On va s'écouter pour clôturer le parcours incroyable de cette dame du punk. Bonne écoute. My mama, but she didn't care, 'cause I don't fit in anywhere. I asked my daddy, but he didn't care, 'cause I don't fit in anywhere. I asked my preacher, but he didn't care, 'cause I don't fit in anywhere. I prayed to God, but she didn't hear, 'cause I don't fit in anywhere. I don't fit in anywhere. Take my life, but who would care when you don't fit in anywhere? Now I'm not asking you to understand why I don't. Merci Aurélie pour cette très très intéressante partie. Alors pour ma part, comme je vous disais, je vais vous parler de femmes bassistes de groupes connus, punk et de rock alternatif. On va démarrer sans attendre par, bien sûr, la merveilleuse et magnifique Suzy Quattro. Suzy K. Quattrocchio, dite Suzy Quattro, donc elle est née en 1950 à Détroit. C'est donc une chanteuse et bassiste de hard rock glam rock. On sort un petit peu des sentiers battus habituels, mais bon, on va dire qu'avec le revival des groupes glam, bover, etc., typiquement les potes de Claim Choice, par exemple, qui passent sur Druiz Radio, on peut se permettre de faire aussi quelques écarts dans Female Trouble pour parler de groupes féminins de cette période-là, de ce style-là, des années 70. Donc Suzy Quattro est fille d'un musicien de jazz, et donc dès 8 ans, elle a évidemment commencé à faire de la musique avec son père. À cette époque-là, de ce que j'ai trouvé comme information, source principalement Wikipédia, donc elle est considérée comme un peu comme un garçon manqué, grand classique, j'imagine, de l'époque, et pas que, hein, évidemment, actuellement aussi aujourd'hui, quand on sort un petit peu... des schémas habituels de vouloir fréquenter quand on est des garçons, quand on est jeune, et ben du coup on est très vite d'avoir un look ou autre ou une attitude, on est vite affilié à un garçon manqué. Et ben du coup elle, a priori c'était ça de son côté. En 64, vers 14 ans, donc elle assiste à un concert des Beatles avec ses sœurs, ce qui la marque énormément. Et donc elle décide, tout simplement, les filles, donc de monter un groupe de rock. Le groupe de rock en question s'appelle The Pleasure Seekers, qui a été fondé donc en 1964, donc peu de temps après avoir vu ce concert des Beatles, avec sa grande sœur Patty qui a 17 ans. Elles sont cinq, et il y a aussi donc les deux autres sœurs, donc il y a Suzy et Arlene et Patty. Leur carrière va quand même durer 7 ans. Elles jouent dans différents clubs de Détroit, et pour en revenir un petit peu à ce que je disais plus haut, elles sont pas mal victimes de préjugés sexistes parce que le rock c'est l'apanage des hommes, etc., etc. Et le groupe donc The Pleasure Seekers ne dépasse pas la région de Détroit, et ils sortent seulement un 45 tours qui aujourd'hui a priori est très recherché. On va écouter le morceau What a Way to Die des Pleasure Seekers. C'était donc What a Way to Die des Pleasure Seekers. En 69, la musique de ce groupe, donc, dans lequel il y a Suzy Quatro, évolue plus vers le hard rock. Et le groupe se rebaptise, puisque du coup ils suivent aussi un petit peu le style de l'époque, le groupe se rebaptise Cradle. En 71, un producteur britannique assiste à un de leurs concerts et repère donc la bassiste qui est Suzy Quatro et lui propose de l'accompagner en Angleterre où il la persuade de se lancer dans une carrière solo et qui a été pour le coup prometteuse, mais elle n'a que 21 ans et donc elle accepte de quitter son groupe pour partir s'installer en Angleterre. Donc elle est à cette époque-là submergée par la vague glam rock. Elle prend comme nom de scène donc Suzy Quatro. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah, du coup, énormément de succès avec la sortie des singles 48 Crash et surtout donc Cannes de Cannes. Donc ça décolle pour elle en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays européens. Et justement, on va s'écouter tout de suite Cannes de Cannes de Suzy Quatro, qui morceau qui a été repris par un groupe de punk de Caen, français donc, dans les années 80, qui s'appelait Brainwash. Tout de suite, Cannes de Cannes, de Suzy Quatro. Après Suzy Quatro, je vais vous parler maintenant de Kim Deal, Alors, est-ce que vous connaissez Kim Deal? Kim Deal, c'est donc la chanteuse et bassiste du groupe The Pixies. Bien sûr, vous connaissez tous et toutes The Pixies. Elle est née en 61 dans l'Ohio, aux États-Unis. Elle a une sœur jumelle qui s'appelle Kelly et qui est aussi musicienne. Et c'est leur père qui est physicien militaire dans l'Air Force qui les initie à la musique, notamment donc, en commençant par AC/DC et Led Zeppelin. À l'école, elles sont toutes les deux pom-pom girls. Elles s'imaginent bien sûr pas à ce moment-là que plus tard elles vont assurer la première partie de Nirvana dans la tournée internationale de Nirvana. Quand elles sont adolescentes, les deux sœurs, donc Kim et Kelly, montent un groupe qui s'appelle The Breeders, en référence au terme employé par les gays pour désigner les hétéros. Et elles achètent donc le matériel musical nécessaire pour créer un petit studio. Donc du coup, elles se mettent toutes les deux à faire de la musique. Kim étudie la biologie. Elle passera 7 années à l'université afin d'avoir son diplôme. Elle est brillante et désinvolte et elle est en désaccord systématique avec toute forme d'autorité. Et elle se lance dans une carrière donc de laborantine en biologie cellulaire. En 86, elle part s'installer dans sa ville natale avec son époux, qui est donc Boston. Elle répond donc à une petite annonce dans un journal et c'est là que son destin bascule. Kim, le groupe en question donc cherche une bassiste, mais elle préfère la guitare et elle n'a jamais joué de basse. Pourtant du coup elle est engagée. Hein. On ne fera pas de blagues sur les bassistes. Le groupe travaille d'arrache-pied et le tube Where's My Mind est né donc à ce moment-là. Mais on va s'écouter un autre album, on va s'écouter un autre morceau des Pixies, on va s'écouter Gigantic sorti en août 88 de l'album Surfer Rosa. And this I know, his teeth is white as snow. What a gas it was to see him walk her every day into a shady place. The lips she said, she said, it's hard, it's hard, it's hard, let's have a ball. It's hard, it's hard, it's hard, let's have a ball. It's hard, it's hard, it's hard, let's have a ball. C'était donc Gigantic de l'album Surferosa des Pixies, sorti en 88. En 93, Kim donc quitte le groupe dans des conditions un peu houleuses parce qu'elle ne s'entend pas avec un des membres, le leader Black Francis, voilà. Et ensuite, elle repart en fait former le groupe de l'époque qui s'appelait donc The Breeders, le premier groupe avec sa sœur. Elle quitte définitivement les Pixies en 2013 et donc elle réactive encore à nouveau les Breeders où elle joue de la guitare. On va écouter donc les Breeders du coup en écoutant le légendaire Cannonball sorti en 93 avec des riffs hyper grunge. En même temps, on est en plein dans l'époque et je pense que ce morceau a été repris par énormément de films. La ligne de basse du départ du début est absolument entraînante et je dirais pas incroyable, mais elle est quand même assez folle, je trouve. Voilà, donc tout de suite Cannonball de Breeders. Vous êtes toujours sur Droogies Radio et nous sommes dans l'émission Female Trouble. Ici Ed, je suis en train de vous parler de femmes qui ont joué de la basse dans le milieu rock alternatif. Et on parle des Breeders. Alors malheureusement, les deux sœurs tombent dans la drogue Et elles accumulent des déboires avec la justice, les cures de désintox. Et du coup, les Breeders font une pause qui va durer 8 ans. Mais Kim est quand même assez boulimique du travail. Donc, elle se lance dans d'autres projets. Elle n'a pas voulu surfer sur le nom des Breeders. Donc, elle crée un autre groupe qui s'appelle The Amps. Personnellement, je ne suis pas très fan. Et effectivement, le groupe ne trouve pas vraiment son public. Et les Breeders reviennent au goût du jour. Et surprise aussi, les Pixies se reforment. Voilà, donc elles se partagent entre ces deux groupes. Je vais maintenant basculer sur une autre Kim qui a un lien avec la première Kim. Je vais vous parler de Kim Gordon, qui est la bassiste de Sonic Youth, qui arrive en 1980 à New York pour faire avec un diplôme des Beaux-Arts en poche. Donc en pleine vague punk, elle découvre plusieurs artistes et groupes féminins qui vont l'influencer. Elle dit qu'elle est influencée évidemment par The Slits, The Raincoats, des groupes que d'ailleurs j'ai passé dans d'autres émissions de Female Trouble, de Patti Smith, de Sioux, de Lydia Lunch. Et elle formera donc le groupe Sonic Youth avec Thurston Moore et Lee Ranaldo. Kim encourage la musicienne Courtney Love à former le groupe The Hole en 1989. Ça, c'est quand même intéressant à savoir. Et elle participe à la production du premier album du groupe de Courtney Love, donc Hole. En 1993, elle choralise, Kim Gordon choralise avec Spike Jones le vidéoclip Cannonball, du groupe des Breeders qu'on a écouté juste avant. Et en 2015, je passe très rapidement donc sur Kim. Elle écrit une autobiographie qui s'appelle Girl in a Band. Je vous lis un petit extrait que j'ai trouvé sur Internet parce que je ne l'ai pas lu, cette autobiographie. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, ce que Kim dit. Donc, culturellement, on ne permet pas aux femmes d'être aussi libres qu'elles le voudraient, car ce serait effrayant. Celles qui essayent, on les fuit ou alors on les traite de folles. Il me semble que ce type de sujet, petite parenthèse, est assez récurrent, n'est-ce pas ? Dans nos premières émissions, Lola parlait donc du mouvement Riot Girl et de ce type de remarques que se prenaient régulièrement les chanteuses de l'époque. Je reprends la citation de Kim dans son livre, qui dit donc que les chanteuses qui vont trop fort n'ont pas tendance à faire long feu. Ce sont des saillies, des éclairs, des comètes, comme Janis Joplin ou Billie Holiday. Mais repousser ses limites implique aussi de laisser entrevoir des facettes moins désirables de soi. Au bout du compte, on attend d'une femme qu'elle porte le monde, pas qu'elle le détruise. C'est quand même hyper intéressant comme pensée, comme citation. Alors Sonic Youth, donc c'est un groupe américain qui est né donc dans l'année 81. Donc Kim Gordon était elle chante, elle fait de la basse et de la guitare aussi dedans. C'est un groupe qui émerge un petit peu de la no wave. De l'art no wave et de la scène musicale de New York avant d'évoluer vers quelque chose d'un peu plus conventionnel dans le rock et d'avoir une place à part entière dans ce qu'on appelle donc la scène noise rock américaine. Donc le Spike Jones dont je parlais un peu plus haut, on le retrouve aussi pour Sonic Youth puisqu'il réalise des clips aussi pour eux. En petite anecdote, donc en 2001, Sonic Youth collabore avec le groupe français d'avant-garde, avec la chanteuse, Brigitte Fontaine, donc chanteuse et poète Brigitte Fontaine, pour son album Kekeland. Alors, on va quand même écouter un petit peu de Sonic Youth. Déjà, on va enchaîner avec deux morceaux. On va écouter Tunic, sorti en Tunic, donc Song for Karen, de l'album Go. Sorti en 1990, et ensuite ce sera Swimsuit Issue de l'album Dirty, sorti en 92. Très bonne écoute. We'll be right back. Goodbye, Hollywood. Goodbye, Downey. Hello, Janice. Hello, Dennis, Elvis, and all my brand new friends. I'm so glad you're all here with me. Until the very end. Say. Bon, alors ce dernier numéro de l'année 2022 de Female Trouble coïncide avec, avec bientôt Noël. Donc on a décidé de vous passer un petit morceau de groupe féminin punk en rapport avec Noël. Et bah, perso, je vais vous passer un morceau qui est bien, mais pas ouf non plus, mais c'était pour changer un peu de l'année dernière. Et c'est un morceau de Vice Squad qui s'appelle Merry Christmas Everybody. C'est bientôt Noël, ben moi j'ai choisi un petit morceau de Noël de groupe Shonen Knife. C'est un groupe dont je vous reparlerai, je pense, dans l'émission, parce qu'ils ont un parcours très intéressant. C'est donc je vous l'ai dit, des japonaises, un groupe féminin de pop-punk. Et leur morceau, c'est Spaced Christmas. Merry Christmas. salut Ed, salut à tous. Ça m'a fait plaisir de faire cette émission avec vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite une très bonne année 2023. À bientôt. Salut. Oui, on vous embrasse. Je t'embrasse aussi Aurélie. Et puis à l'année prochaine pour un nouveau numéro de Female Trouble. Passez une bonne période.